ahora nadie grita, nadie se queja, nadie se lastima. Solo vamos donde nadie va, caminamos donde no podemos caminar. Maintenant personne ne crie, personne ne se plaint, personne n'a pitié. Nous allons seuls où personne ne va. Nous marchons où nous ne pouvons pas marcher. Poème indien. Ce serait un sourire d'immortel au bord du torrent encombré de pierres, entre lesquelles l'eau se devine et là-bas, les orpailleurs de l'au-delà. Ainsi pensait-il, se tournant vers l'aube, de l'autre côté de l'océan. Ami de l'Inca, ami du maïs et de l'orge, danse l'ancienne danse pour délimiter le champ. Ami de la gave, ami du vent et des cimes, doucement chante les hymnes pour la rosée et la pluie. Ami de l'oracle amer, ami des figures du goupil, tisse les guenilles du savoir, sans souci du péril. Ami des étoiles, ami de l'oiseau Quetzal, chemine sur le basal, les pierres noires du volcan. Ami de l'orchidée sauvage, ami des fêtes et du mescal, s'en retourne sous l'orage, acrobate.